Toto, il faut que moi, ton père, je te parle sérieusement. En effet, ta mère et moi-même, nous avons parlé avant que tu arrives de l'école et nous avons décidé ceci. Puisque tu ne réussis pas à avoir ton certificat d'études, puisque d'année en année tu as reculé pour faire ta première communion, tu n'es jamais accepté et comme tu viens d'avoir tes 33 ans, nous avons décidé sagement, ta mère et moi-même, que tu irais cette année en pension. Avoir des culottes longues, toujours avec des culottes courtes. À 32 berges, j'allais à l'école, toujours avec des culottes courtes. J'irai pas en pension. Si. Toto, tu iras en pension. Non, j'irai pas en pension. Les voisins, bourreaux d'enfants, bourreaux d'enfants. Non, mais dis donc, tu vas pas meuter le quartier, hein. Tu iras en pension. Non, j'irai pas. Tu iras en pension. Non, j'irai pas. Et puisque c'est ça, ben moi, je me sauverai de la maison, hein. À 33 ans, j'irai dans la rue. J'en ai marre d'être couvé là, à la maison. Et t'as pas froid, et mets un cache-nez, et ton béret jusqu'aux oreilles. J'en ai marre. J'irai tout seul dans la rue. Tu iras tout seul dans la rue? Oui, tout seul. Et je marcherai en dehors des passages coupés. Je prendrai le métro tout seul. Tu prendras le métro? Oui, je prendrai le métro tout seul. J'irai au café. Tu iras au café? Oui, j'irai au café tout seul. Je mènerai la vie. Je mènerai la grande vie. Je boirai de la limonade. Voilà. Tu feras pas ça? Si, je la ferai. Si tu te fous une tarte. Ah! Les voisins, bourreaux d'enfants. Bourreaux d'enfants. Comment ça? Je suis ton père. Pour une fois, je vais m'énerver. Si jamais tu fais ce que tu as dit, tu seras puni. Je m'en fous. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Eh bien, puisque c'est ça, il t'apportera rien. Qui? Le Père Noël.